Après nous, cette histoire vivante avec Jean Leclerc. Nous venons maintenant à Montesinos. Montesinos est un personnage vraiment plus que trouble. Vous avez rappelé au début de notre entretien son parcours. Quelque chose est totalement frappant et extraordinaire dans votre sujet. C'est ces fameuses vidéos. Elles s'appellent comment déjà ? Vladimir Montesinos. Les Vladivideos. Alors qu'est-ce que c'est que ces Vladivideos ? Alors c'est un homme de renseignement, hein, d'intelligence, dit-il. Et donc, très rapidement, il utilise tous les moyens de la technologie pour piéger. Et le principal moyen est l'image. Il s'est aperçu que, finalement, s'il filme les gens en situation de corruption, il est garant que ces gens sont corrompus. Lui, le grand corrupteur, d'une certaine façon, va pouvoir engluer tous ces gens par l'image et dans l'image. Et donc, très rapidement, il filme au début de façon artisanale, mais vers la fin, lorsque ça devient obsessionnel, il met une, deux et même trois caméras à certains endroits, sur 5 ou 6 endroits du Cine. Qui tourne parallèlement ? Tout le temps. C'est fou ça quand même. Nuit et jour, c'est Big Brother nuit et jour. C'est réellement quelqu'un qui a une obsession. Et il se le fait passer le soir. Il se fait passer les vidéos où il corrompt les gens. Parce qu'en plus, par exemple, il doit donner $1 million à quelqu'un. $1 million en petite coupure, ça fait déjà beaucoup. Mais si c'est en sol, c'est $3,5 millions de sol. Ça fait déjà encore plus de coupures. Et donc il donne $3,5 millions de sol à quelqu'un, ça fait quasiment un demi-mètre cube. Sortir de trois sacs, ça fait quand même beaucoup de mouvement. Ça se voit, c'est ce qu'il veut. Et il y a même dans une des vidéos un cours de comment il faut donner l'argent pour qu'elle se voit et comment il faut dire à l'autre personne, comptez, pour qu'elle continue de se voir. Le but du jeu, c'est pas de corrompre, c'est de filmer la corruption. Et ça, c'est une fable postmoderne. On est dans la postmodernité même, c'est-à-dire que d'une certaine façon, la technologie sert à assouvir nos instincts les plus bas. C'est ce qu'il a fait, ce monsieur. Et c'est vrai que vous vous étonnez dans le film, il apparaît systématiquement, il n'a même pas cadré de telle manière à ne pas apparaître dans l'image, il est bel et bien dans l'image, donc il est lui-même son propre le propre acteur de ce que vous définissez. Exactement. Plus que ça, j'ai découvert, parce que je suis allé au Pérou, j'en reviens, qu'il y a une deuxième caméra, là, les médias péruviens s'en étaient pas aperçus, que pratiquement la moitié des Vladivideos ont une deuxième caméra, où on ne voit pas les gens corrompus, on le voit lui. C'est-à-dire qu'il a mis une caméra sur lui au bout d'un moment. Qui l'isole. C'est extraordinaire, c'est vraiment une mise en scène, c'est du loft. On est passé dans un système de voyeurisme organisé dans lequel on se voit voir. C'est une perversion, j'allais dire sublime si c'était pas si horrible, ce qu'il a fait avec le Pérou. Il n'y a pas tellement d'exemples analogues, hein, je crois. Je pense à Nixon avec ses bandes d'enregistrement qui ont coûté le poste. S'il avait eu la vidéo à ce moment-là, je pense qu'il aurait été de la même obsession. Il y a à présent une volonté de ne pas faire le mal. Montesinos, en effet, crée une sorte de syndrome, oui, de syndrome de peur de la caméra cachée. Dehors, les gens sont très vigilants par peur d'être filmés. Les gens font très attention, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, mais... Oh, quelle belle caméra ! Regarde, c'est la caméra de Vladimiro Montesinos. Il attend un appel de Montesinos, il veut du liquide. Vous voyez dans quel état Montesinos l'a laissé. Tiens-toi bien, t'es filmé. C'est un cadeau de Montesinos qu'il filme. Je crois que Montesinos a été, en fin de compte, étant donné la situation, un symbole de vertu. En effet, filmer tous les péchés du monde semblera avoir pour origine ses racines provinciales, teintées d'un esprit religieux, selon lequel on doit se confesser de ses péchés dans l'éventualité d'être un jour confronté à eux. Alors Montesinos s'est actuellement arrêté. Il en est où ? Bah, il en est qu'il a 80 ou 90, je dis peut-être une bêtise, 100 et quelques procès derrière lui ou devant lui, que la moitié de la société doit lui rendre compte et vice versa, et donc il est en permanence sur la sellette, mais c'est lui qui a encore, depuis un an et demi, un pouvoir de nuisance exceptionnel sur la société péruvienne. Il est encore l'objet de toutes les premières pages dans les journaux. Chaque fois que quelqu'un sort et nommé, il peut sortir une vidéo et il la sort parce qu'il a des raisons encore pour le faire tomber. Il a déjà fait tomber 3-4 ministres tout au début, mais il peut faire encore tomber des gens. Et surtout, on le voit, j'ai réussi à me procurer un enregistrement d'une comparution devant une commission du Congrès. Il fait, lui, encore baisser les têtes de tout le monde. C'est lui qui commande à quel moment il parle, à quel moment il se tait, à quel moment il se lève, à quel moment il dit « ça suffit, il s'en va ». C'est lui qui commande. C'est quelqu'un qui est encore, et encore la force de caractère de se dire « c'est moi qui commande ». Parce qu'il a commandé le Pérou pendant 10 ans. Alors que Fujimori, lui, il a véritablement, j'allais dire, pleinement démissionné. Alors c'est encore plus compliqué, Fujimori. Parce que Fujimori, il a démissionné avant même d'être né, puisqu'il est né japonais, on nous le dit maintenant. Il n'aurait jamais dû être président du Pérou, puisqu'il est né japonais, il a été tout le temps. Or, notre constitution stipule que pour être président du Pérou, il faut être né péruvien. Donc, il y a là, depuis le début, quelque chose d'extrêmement choquant. Deuxièmement, l'ambassadeur du Pérou au Japon, c'était son beau-frère, Ali Tomi, né lui aussi japonais. Ce qui fait que toutes les personnalités entre le Pérou et le Japon pendant 10 ans ont été tous japonais. Pour nous, c'est incompréhensible parce que nous avons une colonie japonaise importante chez nous qui est très bien intégrée. Et qui a gardé ses spécificités, dont il faisait partie d'ailleurs. Les Nikkei sont des gens qui sont très très appréciés chez nous, des commerçants, des gens très honnêtes. Mais Fujimori n'est pas du tout tranquille. Il s'y met dans la vie politique du Pérou tout le temps. Il a une page web qui change tous les jours. Il téléphone il a encore 2-3 chaînes de télévision qui lui doivent des choses. Il a encore quelques parlementaires qui lui doivent des choses. Et donc il est tout le temps en train de lui aussi pousser parce qu'il sait, il croit qu'il va pouvoir revenir. Il se dit que dans ce pays tout est tellement extraordinaire qu'il aura sa chance. Ah oui. Oh, c'est évident. Il pense pouvoir reprendre la main à un moment ou à un autre. Est-ce qu'il y a raisonnablement des chances qu'une telle chose puisse arriver ? Je ne veux pas être méchant, mais Alan Garcia, le président qui a précédé... Celui qui avait fait la rupture avec le FMI ? Voilà, président, disons, social-démocrate, mais enfin à la péruvienne, de la PRA, était parti du Pérou accusé des pires maux contre les droits de l'homme, de vol, immense aussi. Pas un système, mais lui, il avait été vraiment chargé, lui et son équipe, et il était parti se réfugier en Colombie. Hein. Il s'est réfugié, il pouvait pas rentrer. Et c'est lorsque Fujimori est parti qu'on a fait une loi d'amnistie, et il a pu rentrer. Et il a failli gagner la dernière élection. C'est-à-dire que 10 ans après, Alan Garcia a failli gagner la dernière élection contre Toledo. Donc le Pérou est capable de beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes en train de dire que les 10 ans d'expérience de Fujimori ne vont pas servir au Pérou en termes de réflexion et de maturité politique ? Malheureusement, je veux vous expliquer quelque chose. Ils sont basés sur l'image, sur la corruption par l'image. Les 6 chaînes ouvertes, c'est-à-dire RCN de télévision, étaient en main de Montesinos. Ils ont vraiment vidé la tête de tous les Péruviens. Ça a été la corruption nous a vraiment fait baisser du point de vue culturel, du point de vue de nos habitudes, du point de vue de ce que nous avons, énormément. Nous avons perdu beaucoup de terrain, y compris au niveau civique. Lima est un chaos de la circulation, un chaos de la pollution. Ce pays était un pays pauvre, il est devenu non pas un pays riche, mais un pays dans lequel la modernité côtoie la pauvreté de façon chaotique. Nous ne sommes pas encore coagulés autour d'un sujet. Les gouvernements futurs ont beaucoup de travail pour essayer de faire naître du sens civique, du politique, du syndical, tout ce qui a été dissous par ce régime qui était comme une espèce de bombe atomique qui a vraiment tout pulvérisé. Y a-t-il malgré tout, Antonio Wagner, un espoir et si tel est le cas, vers quoi se tourne-t-il cet espoir ? Bien entendu qu'il y a un espoir. Bien entendu, le peuple péruvien est un peuple extrêmement sympathique, extrêmement travailleur. Le Pérou est un pays beau de ses paysages, riche de ses matières premières, une industrie qui peut naître. Nous avons du tourisme, nous sommes un peuple qui est en train de vivre une crise, une très forte crise identitaire, puisque beaucoup d'Indiens encore, le peuple métis, l'immigration dont j'en fais partie moi-même, européenne ou autre, tout cela se cristallise depuis 200 ans et doit arriver à un pays du futur. Mais le modèle tel que nous l'avons fait pour l'instant marcher, c'est-à-dire une démocratie à l'occidentale, mais qui s'est courant à toutes les étapes, ne peut pas marcher. Il faut trouver un mode de participation de chacune des communautés, de chacune des classes sociales, qui ne soit pas simplement représentative, parce qu'on a vu que la représentation s'achète dans nos pays, par les médias, ou carrément voix par voix. Non, qui soit de la participation moderne. Il faut trouver maintenant nous avons Internet, nous avons beaucoup d'autres de façons de nous communiquer, de nous faire comprendre. Faut quitter, de mon point de vue, il faut faire preuve d'une grande lucidité et force dans ces pays-là pour ne pas aller et continuer dans un moulin à prière de cette démocratie qui finalement fait croire aux gens qu'ils ont un pouvoir sur un État qui, lui, est complètement ailleurs. C'est pas comme en Europe, les liens se sont distendus, se sont cassés depuis des années parce que la corruption, parce que les dictatures ont cassé les liens entre le peuple et les dirigeants. Donc c'est une responsabilité énorme. Oui, bien sûr qu'il y a une solution. Je pense qu'il faut penser que les choses sont désespérées, mais d'une certaine façon, c'est ce qui nous donne le plus de force pour pousser à des solutions modernes, novatrices, qui peut-être, de la même façon que cette expérience est un exemple malheureux, négatif pour le reste de la planète et qui montre en caricature ce qui peut se passer dans notre pays, et bien peut-être que des solutions que nous avons à trouver seront aussi exemplaires par leur lucidité, mise en place de nouveaux systèmes politiques, sociaux, interraciaux que nous avons à découvrir et à inventer. Merci Antonio Wagner, merci, à bientôt. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Plus de 25 000 personnes ont trouvé la mort au Pérou dans des violences politiques. Histoire vivante, une émission de Jean Leclerc. Cette semaine, un président inattendu. La seule chose qui marche au Pérou, c'est Sentier Lumineux et l'armée. Ce qu'il faudrait, c'est une mobilisation mondiale. Et puis, malheureusement, on veut dire que la guerre du Golfe a occulté un peu cette épidémie gravissime de choléra qui a lieu en Amérique latine. D'un Sentier Lumineux à une démission obscure, le Pérou, un pays en péril. Fujimori, que l'on appelle au Pérou le petit chinois, a commencé sa campagne voilà seulement 6 semaines, avec 1% des intentions de vote. Le Péruvien, c'était comme le champagne, ça fait beaucoup de boules, mais après ça se calme. Bonjour, dernière journée de la semaine consacrée au Pérou. Hier, nous évoquions la prise d'otage réalisée à l'ambassade du Japon par le groupe de guérilleros du MRTA, le mouvement révolutionnaire du Tupac Amaru. Nous avons également évoqué le Sentier Lumineux et la carrière de son chef, Abimael Guzman, aujourd'hui arrêté et emprisonné à vie. Nous avons enfin évoqué l'arrivée au pouvoir de ce président venu de nulle part, Alberto Fujimori, aujourd'hui en fuite au Japon où il s'est réfugié, après avoir annoncé depuis ce même Japon qu'il mettait un terme sans préavis à son mandat de président. Fujimori, qui est aujourd'hui réclamé par le Pérou, qui aimerait régler quelques comptes avec son ex-président. Le Japon fait pour l'instant la sourde oreille, nous y reviendrons dans quelques instants. Quelques chiffres. Fujimori est arrivé au pouvoir en 1990. Entre 1994 et 1996, selon un rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme, le pourcentage des foyers pauvres a augmenté de 46,5 à 49%. L'extrême pauvreté est de 16,6%. Il y a abondance d'autres chiffres. Je retiendrai simplement celui-là. En 1995, 1 425 000 enfants, garçons et filles, de 6 à 17 ans, travaillaient. 433 000 sont âgés de moins de 12 ans et travaillent dans des conditions dangereuses pour leur santé physique, émotionnelle et mentale. Voilà. Le Pérou n'est sans doute pas à la pointe de l'actualité, mais si cette série qui lui a été consacré a retenu votre attention, sachez qu'il existe une abondante documentation consultable notamment sur Internet. C'est le cas notamment de ce long rapport d'une quarantaine de pages de la Fédération internationale des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Antonio Wagner dans Histoire vivante. Antonio Wagner, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu aux auditeurs ? Je suis péruvien, mais je habite en France depuis pas mal d'années déjà. Je suis documentariste, enfin, je suis aujourd'hui documentariste. Et les sujets qui m'intéressent sont les sujets géopolitiques en général, les sujets difficiles, les sujets dont on dit que seuls les spécialistes devraient les traiter. Voilà. Quand vous dites que vous êtes aujourd'hui documentariste, ça sous-entend qu'avant, vous exerciez un autre métier ? C'est-à-dire que j'ai fait auparavant de la fiction, j'ai travaillé en Colombie avec Garcia Marquez, j'ai beaucoup écrit. Je suis passé un peu par toutes les étapes et tous les stades de ce métier difficile qui est l'audiovisuel. Il y a une part de dramaturgie non négligeable dans votre documentaire Fujimori et son double, enfin le dictateur et son double plutôt. C'est-à-dire que moi j'ai essayé de quitter le domaine de l'information, de l'info, pour passer dans le domaine de la narration. J'ai pris les éléments narratifs de la fiction pour essayer d'en faire une histoire universelle, globalisée comme on dirait maintenant. Alors au fil de la semaine, nous avons évoqué le Pérou au cours des différentes éditions d'Histoire vivante. Nous avons parlé du Sentier Lumineux, de l'arrivée au pouvoir de Fujimori, également de l'événement qui s'est déroulé en fin 96 avec la prise d'otage à l'ambassade du Japon, à Lima. Il reste que votre documentaire est axé incontestablement sur la figure du président Fujimori, mais également et surtout d'un autre personnage infiniment moins connu du grand public, Montesinos. Vladimiro Lénine Montesinos. Officiellement, c'est un agent des services de renseignement. En réalité, Montesinos est devenu le chef indiscutable et occulte des forces armées péruviennes. En même temps, il est le conseiller personnel du président, son ombre, son unique confident. Dans le bunker du CIN, le service de renseignement national, Montesinos installe un réseau de corruption et de subordination auquel personne ne résiste. Est-ce que vous pouvez nous parler à présent de ce personnage trouble ? Bien entendu. Il faut comprendre que finalement, Fujimori n'existe pas sans Montesinos depuis le début. Il n'existe pas parce que c'est la racine, c'est la partie engluée, c'est la partie dans la gangue de ce système. Montesinos monte avant même l'arrivée au pouvoir de Fujimori, quelque chose qui marchera pendant 10 ans, qui est une sorte de gouvernement civil et militaire en même temps. C'est ainsi un gouvernement qui est basé sur le pouvoir militaire, sur la corruption et l'argent, et sur l'image télévisuelle, audiovisuelle. Et c'est Montesinos qui est au centre de tout cela. Donc la partie visible, Fujimori, fait de la mise en scène, fait de la télévision, puisque toutes les 6 chaînes ont été achetées, et la partie invisible, Montesinos, fait de la vidéo, et il en fait un organe de corruption. Montesinos, c'est avocat de formation. Il est d'abord militaire. Il est d'abord militaire, mais c'est quelqu'un qui a été inculpé parce qu'il a donné des plans de base soviétique qui existaient à l'époque au Pérou, à la CIA. Et donc son nom était radié de l'armée. Il était interdit de rentrer dans n'importe quel bâtiment militaire au Pérou. C'est quelqu'un qui est arrivé à retourner complètement la situation parce qu'il est sorti banni de la force militaire. Il a fait ensuite une carrière d'avocat, de sociologue aussi. C'est quelqu'un de très très intelligent, de très très formé. Et il est devenu donc l'interface entre les militaires et le pouvoir civil au Pérou. Comment se fait la rencontre Montesinos-Fujimori ? Fujimori ne peut pas se présenter aux élections. Il a un problème d'évasion d'impôts, il a acheté des maisons sans payer des impôts. Il a acheté les maisons ? Au Pérou, une ou deux maisons. Il a fait des investissements. Voilà, il a fait des investissements, il n'avait pas beaucoup d'argent. Il n'était pas riche. Hein. Il était professeur d'agronomie, je pense, à l'université agraire de Lima. Mais bon, il avait fait quelque chose qui faisait qu'il avait donc un dossier en suspens. Et Montesinos lui fait disparaître. Donc il est, depuis le début, il est l'objet de Montesinos. C'est l'homme qui réussit dès le début à le mettre en selle. Il va beaucoup plus loin. Et il fait croire entre les deux tours que sa vie est en danger. Du coup, il appelle le chef des militaires au Pérou, qui était son ennemi, puisque lui était radié, et lui dit, celui qui sera élu est en danger. Il faut le cacher parmi vous. Et il rentre comme ça au cœur même du système militaire. Fujimori passe presque... Je pense que c'est un mois dans le petit pentagone que nous appelons au Pérou, caché par Montesinos et par les militaires parce qu'il a peur pour sa vie à cause du terrorisme. C'est-à-dire qu'il a fait une pierre deux coups. Il a pris Fujimori et il est rentré à nouveau au cœur même du système militaire. Et c'est Montesinos qui a fait ce coup de maître d'introduire le président élu, mais non encore en fonction, au cœur même du système militaire. En 1990, au Pérou, le fossé entre les riches et les pauvres est effroyable. Et le manque de confiance envers les leaders usés et corrompus est total. Les partis politiques traditionnels n'ont rien fait et ne sont plus crédibles. Quelques mois après sa victoire, Fujimori doit réactiver la confiance internationale. Pour retrouver l'appui du FMI qui a suspendu tous ses investissements, le nouveau président libère les importations et annule les subventions aux produits de première nécessité. Il faut reconnaître qu'effectivement, dans la première partie, en tout cas de son gouvernement, Fujimori, peut-être parce qu'il récupère aussi une partie du projet économique de Vargas Llosa, fait, entre guillemets, du bien au Pérou. C'est-à-dire qu'il, lui, il fait une curée. Paradoxalement, il fait une curée. Économiquement, il fait le contraire de ce qu'il avait proposé. Politiquement, il se place plutôt dans un régime que maintenant, nous savons, a été dictatorial. Le machisme politique, c'est penser que les gens ont des solutions magiques. Et cette magie marche pendant un moment. Parce que la magie, c'est très très subjectif. Et les gens le croient. Et parce qu'il est fort, il est fort. Et il n'y a pas qu'au Pérou, parce que c'est vrai que dans une grande partie de pays d'Amérique latine, des hommes arrivent au gouvernement avec les remèdes miracles. Voilà. Les magiciens qui arrivent avec des remèdes forts. Les machos de la politique. Ceux qui osent faire des choses. C'est le cas de Fujimori avec, disons, une aggravante ou une améliorante pour lui. C'est qu'il est un homme extrêmement travailleur. Il se mêle de tout. Il fait tout. Contrairement aux autres qui sont des gens qui préfèrent la bonne vie ou la bonne chair, lui c'est un austère. Et alors du coup, il a, pour ainsi dire, lui aussi un atout, il a quelque chose de plus qui fait qu'il peut aller beaucoup plus loin dans l'installation de son système. Et M. Montesinos, dans l'ombre, arrive à créer réellement un réseau mafieux qui met en scène et met en place des connivences entre tous les secteurs du pays, tous les secteurs des régions, à propos de l'argent mal gagné. Drogue, détournement majeur, voilà, c'est ça le système. C'est ça. Le système, il est monté là-dessus. Les coups d'État sont l'expression du machisme politique. Cela s'accompagne de la croyance que cet homme fort et décidé détient des solutions magiques. Et pendant un certain temps, cela fonctionne. Mais comme cela ne se traduit pas par des améliorations visibles, la crise survient. Et cette crise entraîne une répression à l'encontre des opposants et des médias les plus critiques. Par conséquent, le régime devient de plus en plus dictatorial. Une grande partie des regards sont tournés à l'époque où Fujimori arrive au pouvoir, évidemment à l'autre bout de la planète, puisque la guerre du Golfe démarre à peu près en même temps. Est-ce que vous estimez que ça a pu laisser à un grand nombre de gouvernements d'Amérique latine les mains libres pour travailler comme ils ont travaillé? Alors, moi je voulais faire un petit peu le parallèle avec ce qui se passe maintenant aussi, où on a les yeux braqués sur le terrorisme et la corruption est moins en vue. C'est un petit peu la même chose, c'est évident. Et quelque chose qui est tout à fait remarquable, j'allais dire presque fabuleux, c'est que le secrétaire général des Nations Unies de l'époque, Javier Pérez de Gómez, est péruvien. Et il reçoit Fujimori, il est péruvien, et il va laisser ce poste quelques mois après à cause de la guerre du Golfe. Il n'a pas supporté ce que les Américains lui ont fait faire comme rôle lors de la guerre du Golfe. Et donc, il quitte le secrétaire général des Nations Unies. Et il a, lui, essayé de faire monter Fujimori. Il l'a reçu aux Nations Unies et il essaie de le faire exister politiquement avec toutes ses... C'est un homme qui a beaucoup de contacts. Au début, il fallait au contraire donner la respectabilité à ce monsieur-là. Donc, c'est évident que lorsque Fujimori arrive, d'abord, ça ne se voit pas. Et deuxièmement, les yeux sont tournés ailleurs. Comme aujourd'hui, les yeux sont tournés sur l'Afghanistan ou sur l'Irak et non pas sur ce qui peut se passer parallèlement, je pense à des pays comme l'Argentine ou le Venezuela, où ça ressemble tellement à ce que nous avons déjà vu. Dans quelques instants, nous retrouverons Antonio Wagner, l'auteur du film Montesinos et Fujimori, le dictateur et son double, deux figures marquantes d'une dictature péruvienne qui ne dira jamais son nom. Mais pour le moment, un peu de musique. Pedro Suárez Vértiz chante « Mi auto era una rana ». Ma voiture était une grenouille. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec aujourd'hui Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.